Aujourd'hui, dans Affaires sensibles, la mer en deuil. Le 6 novembre dernier, les voiliers monocoques du Vendée Globe s'élançaient des Sables d'Olonne devant des centaines de milliers de spectateurs. Avec la solitaire du Figaro, la Transat Jacques Vabre ou la Route du Rhum, cette course autour du monde en solitaire est devenue familière du public. On assiste au départ de ces bateaux ultramodernes, on suit l'avancée de la compétition en direct à la télé ou sur Internet, on retient le nom et le visage des grands vainqueurs. La voile s'est installée depuis 30 ans comme un événement sportif qui compte. Parmi les courses qui ont bâti la légende de ce sport s'inscrit le Fastnet, un périple entre l'Angleterre et l'Irlande qui a longtemps été l'une des épreuves les plus prestigieuses. Mais lors de l'édition 1979, une terrible tempête s'abat sur les concurrents en plein milieu du parcours. Piégés dans une mer monstrueuse, rapidement, ces hommes et ces femmes ne se battent plus pour la victoire, mais pour leur vie. Avec 19 marins décédés et plus de 20 bateaux coulés, c'est la course la plus tragique de l'ère moderne. 19 morts. Ce bilan ouvre alors un vaste débat dans le monde de la voile et rappelle avec force que face à la nature, l'homme est souvent vulnérable, ce qu'il oublie souvent. Ce drame, un homme l'a vécu de l'intérieur. Il s'appelle Nick Ward. Rescapé, il l'a raconté 30 ans après dans un livre intitulé « Seul face à l'ouragan » publié en 2008 aux éditions Glénat. Au cours de ce récit, vous entendrez des extraits de ce témoignage. En seconde partie d'émission, nous recevrons Bernard Rubinstein, journaliste et passionné de voile. Il a couvert le Fastnet en 1979. Affaires sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, préparée par Simon Maisonneuve avec l'appui des documentalistes de Radio France et de l'INA. Attaché de production Emmanuel Fournier, coordination Christophe Barrère, programmation musicale Muriel Pérez, lecture voix de Nick Ward, Aurélien Labruyère, réalisation Fabrice Laigle, à la technique aujourd'hui Michel Bézikian. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. Samedi 11 août 1979, au port de Cowes, sur l'île de Wight, dans le sud de l'Angleterre, l'ambiance est à la fête. Aujourd'hui, des milliers de badauds, touristes et autres amoureux du sport nautique se sont réunis pour assister au grand départ du Fastnet, une course en haute mer fondée en 1927 et qui, depuis 1957, est aussi la dernière épreuve de l'Admiral's Cup, sorte de championnat du monde de la voile. Par équipe de 3 voiliers, chaque pays s'affronte au cours de 6 manches. En cette année 1979, 19 pays sont sur la ligne du départ. Deux compétitions en une, l'histoire et le prestige de cette course tiennent aussi à sa difficulté. Après un départ de l'île de Wight, les concurrents naviguent jusqu'au phare du rocher Fastnet, en mer d'Irlande, aux portes de l'Atlantique, puis ils rejoignent l'Angleterre à Plymouth. Une boucle de 600 000 marins, 1000 km environ, sur 4 jours en moyenne, dans des eaux difficiles où le temps, même en été, peut être terrible. En un demi-siècle d'existence, le Fastnet a donc bâti sa légende. Il est devenu cette course dont tout marin digne de ce nom aime à dire discrètement qu'il l'a faite un jour. Depuis quelques années, la voile s'est démocratisée. Du fait de la médiatisation, du progrès technique à la fois pour la navigation et la sécurité, de nombreux amateurs s'essayent à la compétition. Or, depuis l'édition de 1973, le RORC, acronyme de Royal Ocean Racing Club, l'organisateur du Fastnet, a autorisé les petits bateaux de classe 5, c'est-à-dire de 9 mètres, à participer à la course. De plus, depuis plusieurs éditions, le Fastnet se déroule dans des conditions climatiques particulièrement favorables. Alors réunissez tous ces éléments et vous obtiendrez 300 concurrents au départ ce 11 août 1979. Curieux mélange de professionnels, de champions olympiques, de navigateurs chevronnés et d'amateurs. Parmi les bateaux de classe 5, on compte le Grimalkin, à bord duquel a rendez-vous ce 11 août 1979 Nick Ward, un jeune Anglais de 24 ans. Originaire d'Hamble, un village de la côte sud de l'Angleterre dans le Hampshire, Nick a grandi avec la mer pour horizon et le bateau pour profession. Héritage transmis de père en fils, il apprend à naviguer à 6 ans à peine. Et un an plus tard, son père l'emmène à Cowes pour assister à son premier départ des Fastnet. Le voilà, 17 ans plus tard, à quelques heures de réaliser son rêve, participer à cette prestigieuse course. Un Un mois plus tôt, alors qu'il travaille comme convoyeur de bateau, l'un de ses clients, David Sheehan, un expert comptable d'une quarantaine d'années, lui explique qu'il cherche un équipier pour une série de courses en Manche au mois de juillet. Ils participeront aussi au Fastnet, pour lequel David a qualifié son bateau. L'entente avec le reste de l'équipage fonctionne, les résultats suivent, et voilà Nick Wartz, le Grimalkin, en ce matin du 11 août 1979. Il retrouve David Sheehan, le propriétaire, son fils Matthew, Jerry Winks, Mike Doyle et Dave Wheeler. Les six équipiers embrassent leurs femmes, leurs parents et leurs enfants. Le temps des au revoir achevé, il reste à larguer les amarres. 15, 10, 5, 4, 3, 2, 1, go! Le coup de canon retentit enfin. Grimalkin fut l'un des premiers voiliers à franchir la ligne, luttant âprement avec Green Dragon. Avec une impulsion très souple sur le gouvernail, laissant les voiles faire le travail, David avait synchronisé le départ de notre classe 5 à la perfection. Aucune aide mécanique n'était nécessaire, la force des bras suffisait. Nous étions dans le coup. Né au vent, Grimalkin roula gentiment d'un bord sur l'autre au moment de virer et reprit sa route sans perdre de vitesse. Voilà, c'est parti. À 13h, dans un impressionnant et majestueux ballet, sous un magnifique ciel bleu, les 300 voiliers de toutes les tailles s'élancent à pleine vitesse. Au fil des milles, les voiles s'éloignent, la bataille est lancée. Les concurrents des Fastnet se dispersent à l'horizon. Les plus grands bateaux se détachent rapidement en tête de course. Sur le Grimalkin aussi, la compétition commence. Avant le départ, David Sheehan, le chef de bord, a envoyé à toute son équipe une note de 6 pages avec les conditions de sécurité à respecter, le rôle de chacun, la répartition des quarts. Il a désigné comme second l'expérimenté Jerry Winks, un Irlandais d'une trentaine d'années. Le jeune Nick Ward, lui, sera responsable des voiles. En plus du matériel obligatoire au départ, David Sheehan a pris 3 émetteurs récepteurs radio VHF. Un matériel qui permet d'entrer en contact direct avec les secours, on n'est jamais trop prudent. À bord, une certaine routine s'installe. Toujours 2 hommes sur le pont, roulement de 4 heures en haut, 4 heures en cabine. Le premier jour, tout se passe plutôt bien pour l'équipage de Grimalkin. Le bateau va vite, il n'est pas très loin des grands voiliers, donc sans doute en tête de course. Au deuxième jour, calme plat, pas une once de vent, une mer d'huile. Le lundi, au troisième jour, le vent se lève enfin et le Grimalkin s'envole. Mais sur le pont, à la joie de voir le bateau prendre de la vitesse, succède rapidement l'inquiétude. En fin d'après-midi, le ciel présente en effet des couleurs surprenantes, inquiétantes. Les mouettes ont disparu et la force du vent s'intensifie. David Sheehan attend le point météo de la BBC à 17h50. On annonce une force 8. Ça va se secouer, mais rien d'alarmant. Pourtant, au fil des heures, la mer s'agite de plus en plus. Les équipiers masquent difficilement leur angoisse. Aux alentours de 20h, David essaye de capter une autre fréquence et il tombe sur celle de France Inter. Le bulletin d'Intermer sur Ouest, Bretagne, Manche Ouest, Manche Est et Saint-Détier. Renforcement des vents par l'Ouest jusqu'au Grand Frais avec menace de coups de vent en cours de nuit. Sur sol, Sud-Irlande, Ouest-Irlande et Mer d'Irlande. Coup de vent 8 de Sud-Ouest à partir de 20h. Passage au Nord-Ouest en cours de nuit avec force 9 possible sur Ouest-Irlande. Force 9, voire 10, entendent-ils peu après. Tous les marins connaissent la différence entre un vent de force 8 et de force 10 sur l'échelle de Beaufort. À 8, c'est un coup de vent. À 10, c'est la tempête. La vitesse du souffle dépasse les 100 km/h et les vagues atteignent plus de 10 mètres. Sur le Grimalkin, c'est la panique. Il faut vite essayer d'en savoir plus. À la radio, ils tombent sur un échange entre un concurrent français et les gardes-côtes anglais. Ces derniers confirment les prévisions du bulletin de la BBC émis à 17h50. Ouf de soulagement, pas de force 10. Heureusement, parce qu'en cas de confirmation, c'était droit dans la tempête. Mais bon, tout va bien. La course peut continuer. La plupart des bateaux engagés dans la compétition passent le Fastnet aux alentours de minuit ce lundi 13 août. Certains gros voiliers sont même bien devant et atteignent bientôt l'archipel des îles Scilly, près des côtes anglaises, dernière étape avant l'arrivée. Plus loin, les concurrents voient autour d'eux que la dépression annoncée se creuse plus rapidement que prévu. Dans ce cas, pas besoin de carte satellite ou de prévision météo, les équipages découvrent en direct. Et ça ne s'arrange pas. Le vent souffle encore plus fort et surtout les vagues atteignent désormais 12 à 14 mètres. Elles sont de formes différentes, plus longues, plus escarpées. Surtout, ce qui frappe les esprits, c'est la rapidité avec laquelle ces conditions changent. Face à cette situation, l'équipage de Grimalkin se réfugie dans le cockpit. Tous attachés à leur harnais de sécurité. Ils ne parviennent déjà plus à contrôler le Grimalkin. Que faire? Ils décident de tenter la technique de la cape. Il s'agit de mettre le bateau face au vent et à la mer en bloquant solidement la barre dans la bonne direction. Problème, le bateau refuse de se maintenir. Sa vitesse ne cesse d'augmenter et il change constamment de direction. Nick Ward, qui tient la barre, propose alors de tenter une autre technique, dite des traînards. Il s'agit d'alourdir le bateau à l'arrière pour le ralentir et éviter les déferlantes. Nouvel échec. Pour Nick Ward, c'est désormais certain, ils sont au cœur d'une tempête. La prévision de force 10 évoquée par les Français plus tôt se confirme. Nous étions coincés dans une dépression météorologique phénoménale. Quelque chose qu'aucun d'entre nous n'avait encore jamais expérimenté. Et nous étions à présent trop éloignés du littoral occidental. Faire demi-tour, rebrousser chemin aurait été fatal. Les vagues étaient trop raides. D'une façon ou d'une autre, quelque part, quelqu'un s'était lourdement trompé dans son analyse météo et sa prévision. Nous étions piégés, sans autre option que de passer la nuit dehors. Notre navigation nous avait conduits dans l'épicentre d'un ouragan. Grimalkin avait atteint un point de non-retour. Pour l'équipage de Grimalkin, comme pour la plupart des concurrents du Fastnet, dans cette nuit du lundi 13 au mardi 14 août, tout le monde se retrouve en plein cœur d'une tempête féroce. Rapidement, l'état de la mer devient indescriptible. Les gros bateaux parviennent à passer en force, mais les petits se transforment en objets incontrôlables, brinque-ballés dans tous les sens. Chaque vague est un mur d'eau de plus de 15 mètres, rendez-vous compte, la taille d'un immeuble qui s'abat sur les ponts et les hommes. Déferlantes, abruptes, les vagues sont impossibles à négocier. Les bateaux menacent à chaque fois de chavirer, danger mortel. Sur le pont de Grimalkin, comme sur les autres, ce sont les corps qui très vite subissent la violence de la mer déchaînée. Il faut imaginer les chocs de chaque vague qui s'écrase sur le pont et que le bateau doit encaisser. Littéralement projeté, on essaie tant bien que mal de s'accrocher à la moindre barre ou cordage, mais sans succès, infernal. Le harnais de sécurité qui se tend, qui coupe la respiration, là, une tête qui cogne le sol, ici un bras qui se fracasse sur le ponton. Et puis le silence, après la furie des cris, celui de l'attente, des noms qu'on énumère pour savoir si tout le monde est bien là. La peur aussi, et surtout, qui secousse après secousse, hante les esprits, et la lutte qui recommence pour tenter de reprendre le contrôle du bateau. Il est un peu plus de 5 heures du matin, ce mardi 14 août 1979, à bord de Grimalkin, quand Nick Ward et ses équipiers se relèvent d'un énième fracas. Les 6 hommes sont assis sur le cockpit, blottis les uns contre les autres, pour essayer de se réchauffer. Puis le jour se lève, enfin. Nick Ward aperçoit alors, et pour la première fois, la fatigue et l'angoisse sur les visages livides et meurtris de ses compagnons. Et tout à coup... L'étrave de Grimalkin piqua et son arrière se leva si violemment que je traversai le cockpit et fus propulsé très haut en l'air. Ce knockdown était sans doute le plus brutal que nous ayons subi. C'était absolument terrifiant. Grimalkin plongea dans le creux de la vague et je fus catapulté par-dessus bord dans ses lames féroces. L'eau était si froide que j'en eus le souffle coupé. Mon harnais de sécurité me serrait la poitrine alors que j'étais remorqué à une vitesse épouvantable. L'eau de mer glacée trouva un chemin dans le col de mon ciret et m'inonda rapidement tout le corps. Le froid brutal me poussa à reprendre ma respiration et ce réflexe incontrôlable faillit m'étouffer. Je commençais à paniquer. Nick Ward parvient tout de même à remonter à bord grâce à deux de ses compagnons. Cette fois, David Sheehan, le chef de bord, décide de lancer un appel de détresse. Il descend en cabine, se saisit de son poste VHF et contacte le bateau du comité de course qui relaie ensuite le message vers une radio pour établir la position du voilier en perdition. Le chef de bord annonce à l'équipe que le sauvetage est en cours, un hélicoptère doit arriver. Alors, une lueur d'espoir, enfin. C'est à ce moment précis qu'une nouvelle vague énorme fracasse de nouveau le bateau. Les 6 équipiers sont une fois encore écrasés. Puis, un cri se fait entendre de la cabine. Matt, qui était en bas avec David Sheehan, appelle au secours. Les autres se précipitent. Ils le voient tenir son père dans ses bras, la tête en sang, une entaille de 6 cm sur le crâne. Le chef de bord est à moitié conscient. Ses équipiers le soignent, tant bien que mal, et parviennent à le monter sur le pont. Ils lancent les fusées de détresse. Et la panique reprend le dessus. Et un débat s'engage entre les hommes. Doit-on prendre le radeau de sauvetage et quitter le bateau? Une règle tacite, autant que pratique, veut qu'on ne quitte le navire que s'il coule. Ce n'est donc qu'en dernier recours qu'on emprunte le canot de sauvetage. Nick Ward s'oppose d'ailleurs à cette idée. Pour le moment, le Grimalkin tient le coup et il estime que l'équipage est plus en sécurité sur le pont que dans l'embarcation de fortune. Les autres ne sont pas du même avis. Ils se tournent vers le chef de bord qui doit prendre la décision. À moitié conscient, David Sheehan choisit le radeau. Les hommes s'exécutent, mais... Quand soudain, en un clin d'œil, Grimalkin fut brutalement soulevé dans les airs. Une énorme muraille d'eau, nettement plus haute que tout ce que nous avions rencontré jusque-là, était sur nous. Alors que je contemplais, ébahi, cette vague géante, je ressentis un choc violent sur l'arrière du crâne. Je plongeais dans un puits gris sans fond. J'étais totalement désorienté, paralysé, incapable de tout mouvement. Autour de moi, les choses passaient de la lumière à l'obscurité. Je luttais pour ne pas fermer les yeux, essayant de discerner les ombres indistinctes qui m'entouraient, celles de mes coéquipiers, dansant telles des mimes silencieux. La mer enivrante semblait vouloir me posséder. Je sentis le froid de la cascade d'eau qui me submergeait. Je hurlais, mais personne ne m'entendait. Mes yeux se fermèrent sur un trou noir et silencieux. Les océans du vide, à la mémoire de nos frères dont les sanglots si longs faisaient couler l'acide. Always lost in the sea, always lost in the sea. Tout part toujours dans les flots, fond des nuits sereines, ne vois-tu rien venir? Les naufragés et leurs peines qui jetaient l'encre ici et arrêtaient d'écrire. Always lost in the sea, always lost in the sea, always lost in the sea, always lost in the sea. L'absence qu'on crève un abcès, c'est le poison qui coule. Certains nageaient sous les lignes de flottaison intime à l'intérieur des poules. Oh, sombrero de la mer qui ont su traverser les océans du vide. À la mémoire de nos frères dont les sangs si longs faisaient couler l'acide. Ces images de mer démontées, des creux de 14 mètres, La violence du vent soufflant à 100 à l'heure. Dramatique le bilan ce soir de cette course du Fastnet, qui devait être la grande fête des super champions de la voile et qui se termine en tragédie. 4 morts, 14 disparus, 16 voiliers naufragés. Les identités des victimes ne sont pas encore connues, mais on est certain que plusieurs sont anglaises. Malgré tous ces drames, la course a continué. Cette course qui est l'apothéose de l'Admiral's Cup entre Cowes, dans l'île de Wight, le rocher de Fastnet, dans l'Irlande du Sud, et retour à Plymouth, dans le sud-ouest de l'Angleterre. 1000 km que le gagnant, le voilier Condor des Bermudes, a franchi en 71h30, 8 heures de moins que le précédent record établi en 71 par un voilier américain. Seulement ce soir, les équipages qui ont fini l'épreuve ne peuvent s'empêcher d'être tristes en pensant à leurs concurrents morts ou disparus. La Fastnet 79 restera comme l'un de ces moments où la nature déchaînée n'a que faire du goût de l'aventure et du sport des hommes. Dans la journée du 14 août 1979, l'information fait le tour des salles de rédaction. Une énorme tempête s'est donc abattue sur les concurrents du Fastnet et au fil des bulletins d'information, le bilan s'alourdit. C'est aux alentours de 5 heures du matin que les premiers appels au secours sont arrivés. Au centre de commandement, 1, 2, 3, puis bientôt 10, 20 appels de détresse espacés de quelques minutes seulement sont lancés. Une immense opération de sauvetage se met alors en marche. En Angleterre et en Irlande, au lever du jour, des hélicoptères décollent pour secourir les concurrents. Des avions de reconnaissance quadrillent la zone de compétition. Sur mer et dans les airs, on tente de venir en aide aux bateaux échoués, brisés, renversés. À chaque fois, c'est une situation différente. Parfois, les hommes sont sur le radeau de sauvetage, en pleine mer. D'autres sont encore sur leur bateau, dématés. Petit à petit, on apprend que certains équipiers ont été jetés à la mer, que leur harnais de sécurité s'est déchiré ou qu'ils sont morts de froid. Pour les autres, grâce à la taille des bateaux, à leur position au moment où la tempête s'est déclenchée, à l'expérience des skippers, on a évité le pire. Mais pendant ce temps, que se passe-t-il du côté du Grimalkin où Nick Ward a perdu connaissance aux alentours de 8 heures du matin, après que son bateau a chaviré? Ma tête tapait et retapait contre quelque chose de dur. Mes oreilles vibraient douloureusement. Je me sentais emporté dans un tourbillon. Pas encore totalement conscient, je rouvris les yeux avec lenteur. Je ressentis une immense décharge de peur. J'étais sous l'eau, plongé dans des eaux sombres, turbulentes et terrifiantes. Depuis combien de temps étais-je dans l'eau ? Immobilisé, les jambes emmêlées dans des cordages, je ne pouvais pas effectuer le moindre mouvement. Après de nombreux efforts, Nick Ward parvient à se hisser sur le pont du Grimalkin. Le bateau est dématé, le radeau de sauvetage a disparu. Mais surtout, il a beau appeler, personne ne répond. Impossible de se souvenir de ce qui s'est passé après l'énorme vague qu'il a projetée à l'eau. Alors, où sont les autres coéquipiers? David, chef de bord, qui était blessé, Matt, son fils, Dave, Mike. Au bout de quelques minutes, il voit Jerry, le second, à l'eau, inconscient, mais harnaché. Il se précipite vers lui, réussit à le remonter à bord et lui fait du bouche à bouche. Jerry reprend conscience, quelques minutes. Il y eut soudain une lueur, un regard que m'adressa Jerry. Il revivait et paraissait respirer tout seul. Il toussa, bégaya, essayant de me dire quelque chose. Je me penchai encore plus près, l'oreille collée à sa bouche. Jerry respira plus profondément, autant que ses poumons gorgés d'eau le permettaient. Cette fois, j'entendis les derniers mots d'un homme qui sait qu'il va mourir, qui met tout ce qui lui reste de force pour les prononcer. « Si jamais tu revois Margaret, dis-lui que je l'aime. » Il toussa encore, bredouilla quelques mots incompréhensibles, et ce fut fini. Jerry était parti. Il est environ 9h quand Nick Ward se retrouve là, au beau milieu de nulle part, sur un bateau dématé, dans un chaos impressionnant, sans fumée de détresse, sans radeau sauvetage, à côté d'un équipier mort et d'une mer toujours déchaînée. Alors les questions s'amoncellent, mais où sont les autres? Sont-ils morts? Sont-ils partis sur le radeau en laissant derrière eux deux équipiers? Comment prévenir les secours? Et puis il y a le froid, la soif, la faim. Nick Ward chasse ses pensées noires. Il doit reprendre ses esprits pour survivre. D'abord, s'occuper, faire quelque chose pour se réchauffer, pour éviter de gamberger. Dans la cabine, Nick se rend compte que le niveau de l'eau lui arrive aux genoux. Il doit absolument écoper, sinon le voilier va couler. Il saisit un seau et commence à vider l'intérieur de Grimalkin. Pour tenir, il divise son temps. Une heure à écoper, une demi-heure à se reposer. Par moments, un espoir surgit, un point noir au loin, un bruit dans le ciel. Mais comment prévenir, avertir qu'il est là? Pendant ce temps, au port de Plymouth, les rescapés reviennent, témoignent et le bilan s'alourdit. La météo avait annoncé du 6 à 7. Et puis là, le vent est monté régulièrement jusqu'à à peu près 50 nœuds, c'est-à-dire force 10. Bon, et à ce moment-là, on a réduit donc la toile au maximum. On a mis tous les gens à l'intérieur. Et le bateau passait très bien de minuit jusqu'à 6 heures du matin, à peu près. Ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment, il y a eu une... Enfin, on n'a rien vu, on était tous à l'intérieur, mais certainement une vague, un train de vagues beaucoup plus gros que les autres, qui a fait rouler le bateau. Il a été retourné à 360 degrés, un client en l'air, il s'est relevé, il n'y avait plus rien donc, sur le pont, plus de mât, évidemment. Et on a vu arriver un hélicoptère qui a fait du surplace au-dessus de nous. Il a ouvert la trappe pour sortir un câble et il y avait à ce moment-là d'autres bateaux en difficulté parce qu'on a vu d'autres fusées. Et comme nous, apparemment, on n'avait pas trop de dégâts, il est reparti. Et à ce moment-là, donc, on a encore attendu à peu près 2 heures. Et là, il est revenu et il nous a tous troyés les uns après les autres. L'après-midi de ce 14 août tragique, la vaste opération de sauvetage continue. Les équipes des secouristes commencent également à fatiguer. La journée est interminable. Car sur plus de 300 bateaux engagés, plus d'un tiers est en perdition totale et a besoin d'aide. À 18h30, l'un des hélicoptères Sea King décolle pour l'une de ses dernières missions du jour. À son bord, Peter Harrison, un aspirant de 21 ans, vit sa première intervention. Il vient tout juste de terminer ses 2 années de formation en sauvetage. Après 2 heures de patrouille au-dessus d'une position que leur ont indiqué un bateau, l'équipage aperçoit un voilier blanc dématé là, sur le côté. Peter Harrison distingue son nom, Grimalkin. Et au niveau du cockpit, il voit 2 corps immobiles. La suite, c'est Nick Ward qui la raconte. J'ouvris les yeux pour regarder en l'air. Une chose gris clair un peu floue voletait, suspendue dans le ciel. Toujours plus bruyante, plus proche. Je compris que ce n'était pas une illusion ou un rêve. C'était le battement de métronome bien reconnaissable d'un hélicoptère. Le bruit était phénoménal. Un équipier me fit des signes pour me faire comprendre qu'il allait descendre. J'avais attendu cet instant toute la journée et je ne me sentais pas prêt, comme si j'avais été pris par surprise. Je réalisais que rien de tout ça n'avait d'importance. Nous allions être secourus. Je serais bientôt un rescapé. Nick Ward est transporté à l'hôpital après ses 14 heures interminables, seul, au milieu de la mer. Et là, il apprend ce qui s'est passé réellement à bord du Grimalkin. Après la terrible vague, les 6 hommes se sont retrouvés à l'eau, seulement retenus par leur harnais de sécurité. Le chef de bord, David Sheehan, blessé et inconscient, était coincé sous le cockpit. L'un des hommes a coupé son harnais pour le libérer, mais il a été emporté par la mer. Les 3 autres, son fils Matt, Dave et Mike, réussissent à remonter sur le pont. Et là, ils voient Nick et Jerry inconscients. Ils les ont pensés morts, oui. Donc, ils sont montés sur le canot de sauvetage. 1 heure plus tard, un hélicoptère est venu les récupérer. L'équipage de Grimalkin a donc perdu 2 hommes. Un drame qui, malheureusement, n'est pas isolé. Au soir du mercredi 15 août, l'opération de secours est pratiquement terminée. L'incroyable mission de sauvetage a réussi à sauver plus de 130 hommes et femmes en détresse au milieu de la mer. En tout, 24 équipages ont abandonné leur bateau, 5 ont coulé. Le bilan est terrible, on compte 15 morts parmi les concurrents du Fastnet, 19 si l'on inclut 4 autres personnes prises dans la tempête sur un trimaran qui suivait la course. À Plymouth, alors que les cercueils descendent des navires de secouristes, c'est la désolation qui règne. Cette année, on ne célébrera pas le vainqueur du Fastnet et de l'Admiral's Cup. Non, on porte plutôt le regard sur le champ de ruines. Mâts tordus, coques trouées, voiles déchirées, le port de Plymouth cache difficilement ses blessures. Inévitablement, les questions fusent pour comprendre ce qui a pu se passer. Et très vite, 2 camps s'opposent. D'abord, on commence à mettre en cause le règlement de la compétition, le matériel trop léger et fragile des nouveaux bateaux et le profil des participants. Comme l'explique Michel Colombs, l'organisateur de la transatlantique en double. Les bateaux devenaient des bateaux de plus en plus compétitifs, des bateaux de plus en plus des bateaux de course. Si vous voulez, c'était un petit peu des Formule 3 qu'on envoyait faire le rallye de Monte-Carlo. Alors, imaginez ce qui se passe lorsque brusquement arrive par là-dessus un coup de vent. Bien, ces bateaux qui sont faits pour gagner un nœud, un demi-nœud, lorsque le vent force un peu, ne résistent pas quand le vent devient bourrasque, et c'est malheureusement ce qui s'est passé. Le type moyen du coureur du Fastnet, vous savez, c'est le businessman britannique qui passe la semaine à son bureau et va courir le dimanche au large de l'île de Wight. C'est Edward East, l'ancien Premier ministre de Grande-Bretagne. C'est ça, le style du barreur britannique pour le Fastnet. Et c'est malheureusement sur ces marins-là qu'est arrivée cette bourrasque, cette tempête épouvantable que l'on dit de force 10 ou 12, et pas sur des garçons comme ceux qui font la Transat en solitaire, la Transat en double, la Route du Rhum, qui sont des garçons de 25-30 ans, aguerris, solides, costauds et physiquement très bien entraînés. Et j'ai l'impression que c'est aussi une des raisons de ce drame. Dès le lendemain du drame, les deux clubs organisateurs, le Royal Ocean Racing Club et la Royal Watching Association, rappellent que chaque concurrent est responsable de son bateau et de sa participation. Il est libre de s'engager, bien sûr, mais après avoir respecté le règlement, et il lui appartient d'en assumer les risques. Une position que défend le célèbre navigateur français Jean-Yves Terlin, présent à Plymouth. Jean-Yves Terlin. Il y a des sports dangereux, ceci est un sport dangereux et certainement un des moins dangereux à partir du moment où on a les compétences et le matériel qu'il faut. Alors maintenant, il y a une enquête qui est très, comme toujours, mais une enquête qui, je pense, va être menée extrêmement sérieusement et méticuleusement par les gens du RORC pour étudier cas par cas ce qui s'est passé sur chaque bateau abandonné. Je ne dis pas coulé parce qu'on ne sait pas encore exactement le nombre de bateaux coulés et je crois qu'il y a quand même pas mal de bateaux abandonnés, peut-être un peu prématurément. Et se sont peut-être un peu précipités vers un destin fatal en embarquant tout de suite dans un radeau de survie qui est vraiment la dernière chose à faire. Mais chaque skipper restera toujours le maître à bord et chaque équipier restera toujours responsable de son destin. S'il veut faire une course, il l'a fait. S'il ne veut pas la faire, il ne la fait pas. Est-ce que vous pensez qu'il puisse y avoir, après cette tragédie, il puisse y avoir une certaine remise en cause des consolages ou du moins des modifications assez profondes? Par les gens qui ne pratiquent pas, certainement. Par les gens qui pratiquent, je suis persuadé du contraire. Effectivement, à la mi-décembre, après 3 mois d'enquête, le rapport de la commission rendu par l'organisateur de la course est dévoilé. Point par point, il déroule la succession des événements. Concernant la météo, il montre que les prévisions annonçaient bien une aggravation du temps. Mais l'absence d'observation de la zone du sud-ouest de l'Irlande n'a pas permis de mesurer la force 11 atteinte à certains endroits. Sur le matériel, le rapport met en cause la stabilité de certains yachts. Plus de la moitié des petits bateaux se sont couchés. Pêle-mêle, on pointe aussi le manque d'étanchéité des cockpits, la rareté des appareils radio, la faible résistance de certains gouvernails, voire la défaillance de certaines pièces de sécurité, comme les harnais. Enfin, le rapport n'épargne pas les défaillances humaines. Il souligne les décisions prises par certains concurrents dans la panique et la précipitation de quitter leur bateau alors qu'ils auraient dû rester à bord. De nombreux décès sont intervenus alors que les hommes étaient sur les canaux de sauvetage, précisément. Au final, aucun interdit ou nouvelle réglementation ne sera décidé et le Fastnet reprendra 2 ans plus tard dans les mêmes conditions. Le Fastnet 1979 restera le souvenir douloureux d'une tragédie pour le monde de la voile. Un souvenir avec lequel Nick Ward doit vivre comme les autres rescapés qui ont vu, pour certains, leurs coéquipiers mourir sous leurs yeux, qui ont cru pendant de longues heures que pour eux aussi le moment était venu. Au cœur de cet été 1979, la mer a rappelé à tous sa force et sa violence. Et pour reprendre le mot de Joseph Conrad, tel est le pouvoir destructeur d'un grand vent, il vous isole de vos semblables. Every time I walk on by, stroll along your street. Can't believe there's not a thing in the world, a thing left to repeat. And I was walking on your floor, begging to get more. Can't believe there's not a thing in the world, a thing left to ask for. Yeah. Sleep my broken bones, Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Aujourd'hui, la course dramatique du Fastnet avec notre invité Bernard Rubinstein. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes journaliste et passionné de voile. Vous avez couvert, d'ailleurs, le Fastnet en 1979, précisément. Alors, revenons sur la particularité de cette course, son histoire, le fait qu'elle soit ouverte à une grande variété de bateaux et son rôle dans la compétition de l'Admiral's Cup. Donc, c'était une grosse épreuve. L'Admiral's Cup, à l'époque, ça s'est arrêté maintenant. C'était le championnat du monde de la course au large, puisque ça se disputait par équipe de trois bateaux qui représentaient une vingtaine de nations et c'était l'épreuve phare de chaque année impair. Ça se courait tous les deux ans. Et il y avait plusieurs courses en arrondissement. Alors oui, donc l'Admiral's Cup était composé de courses inshore, c'est-à-dire Downsell End, entre l'île de Wight et le continent, une grande course qui s'appelait la Channel Race et le Fastnet qui terminait cette espèce de championnat du monde, donc qui était l'épreuve prestigieuse. Affecté d'un grand coefficient. Donc c'était très important de bien. Et alors aussi la particularité de cette épreuve du Fastnet. Alors parce que donc il y a deux épreuves. Il y a les bateaux qui courent le Fastnet et il y a les bateaux qui courent l'Admiral's Cup. Et dans le Fastnet, vous avez des petits bateaux comme il a été précisé dans le reportage, des petits bateaux de 9 mètres comme Grimaldine et de grands bateaux comme Condor ou comme le bateau de l'Américain. Alors vous êtes à Plymouth, donc en 1979, pendant ces jours dramatiques du mois d'août, et vous voyez les dégâts, parce que vous voyez les bateaux qui sont sortis, qui reviennent, mais dans quel état ils sont, je vais vous expliquer un peu le contexte. Ouais. Moi j'ai fait disputer plusieurs fois le Fastnet, mais cette année-là, en 79, on avait décidé d'une approche un peu originale, de suivre tout le Fastnet avec un bateau à moteur. Donc on partait de cause. On allait virer donc le phare et on revenait à Plymouth. Et j'étais avec deux personnes qui sont connu Ronan Kéméré qui était cinéaste et Erwan Kéméré qui était photographe. Donc on a suivi le départ et quand le mauvais temps est arrivé, on s'est arrêté aux Scilly, aux îles Scilly, l'archipel dans le sud-ouest de la Grande-Bretagne, et c'est là où on a entendu à la VHF tous les appels au secours, et où on a vu arriver tous les bateaux désemparés. Et il faut aussi préciser que vous aviez un tas de bateaux qui s'étaient réfugiés le long de la côte irlandaise. Quoi. Et après, nous sommes allés à Plymouth, à l'arrivée, où là, c'était quand même terrible, et où là, on a vu arriver pour la première fois de grands médias s'intéresser à la course au large. Alors vous qui connaissiez bien la voile, déjà, évidemment, qu'est-ce que vous vous êtes dit? Mais ça, c'est une terrible tempête, il va y avoir des drames, ou vous vous êtes dit non, ils vont s'en sortir? Nous, on s'en est rendu compte après, pendant, on s'en est rendu compte en allant, en longeant, on a entendu que le mauvais temps arrivait, et on a entendu les messages de détresse. Mais ce qui est important à préciser, je pense, dans le reportage, c'est l'attitude des Britanniques. Si c'est un événement comme ça serait arrivé en France, on aurait commencé par accuser qui est responsable et porter des accusations. Alors que les Anglais, qui sont un peuple maritime quand même, et ils ont eu une attitude avec le ROC, le Royal Ocean Racing Club, qui a organisé la course, ils ont eu une attitude responsable en disant on va organiser une enquête, et les résultats de l'enquête ont permis de faire progresser l'architecture des bateaux, parce que ça a été un peu un traumatisme et puis aussi un électrochoc. Ça a permis, le côté positif, c'est qu'on s'est rendu compte que des bateaux étaient plus stables à l'envers qu'à l'endroit. Donc une fois qu'ils étaient couchés par la mer, ils restaient à l'envers. On s'est rendu compte de la carence de certains équipements, des harnais, des radeaux de survie. Et puis, comme évoqué dans le reportage, on s'est rendu compte que des équipages avaient quitté trop tôt leur bateau, puisqu'on a retrouvé les bateaux qui flottaient en relativement bon état sur l'eau. Ça, on va y revenir, mais une tempête comme ça, alors on dit ça provoque des vagues de plus de 10 mètres de haut. C'est un immeuble, hein? Oui, non, puis il faut préciser que la mer est très dure en mer d'Irlande. Ça veut dire quoi, une mer dure? On peut avoir une grosse mer, mais très longue, vous voyez, donc des grosses vagues, mais relativement régulières. Alors que là, on a des vagues qui déferlent à leur sommet, quoi. C'est-à-dire que le bateau est propulsé en hauteur, voilà, aussi haut que la vague. Oui, il retombe brutalement. Et puis autre chose, c'est que les équipages n'étaient pas préparés à rencontrer un tel mauvais temps. Depuis ce Fastnet 79, le ROC a imposé des règlements, il y a eu beaucoup de gouvernails de cassés, donc maintenant on impose aux concurrents d'avoir des gouvernails de rechange. On impose aux équipages à ce que dans l'équipage, il y ait un certain nombre d'individus qui ont déjà fait des stages de survie. Enfin, donc ça a été, ça a fait bouger les choses, quoi. Mais alors, je vais aussi vous dire ce que, on parle du Fastnet 79, mais dans Sydney on barque en 98, c'est pareil, il y a eu 6 morts. Ce qui est énorme aussi, pour une compétition sportive. C'est énorme. Il y avait 115 bateaux. Qu'est-ce qui s'est passé? Et pareil, une énorme tempête. Il y avait 115 bateaux au départ, 43 à l'arrivée. Et la mer en Tasmanie aussi, très difficile. Alors aujourd'hui... Je continue. On parle vous avez évoqué dans le Vendée Globe. Le Vendée Globe, en 96-97, où il y a eu quand même un disparu, puis des bateaux qui sont restés à l'envers. Là aussi, ça a été un traumatisme. On a réfléchi à la stabilité des bateaux. Alors aujourd'hui, on est arrivé à quelle garantie, finalement, avec ces bateaux ultra-modernes, qu'on voit qui sont vraiment impressionnants, ces grandes araignées-là, peuvent théoriquement affronter la pire des situations météorologiques aujourd'hui, on peut dire ça, ce qui n'était pas le cas. Je peux pas répondre, je peux pas d'avoir. Oui, bien sûr. C'est difficile. Ouais. Je dirais qu'ils sont mieux armés pour résister au mauvais temps, et puis que la connaissance des matériaux, les voiles, le gréement, tout ça, on a énormément progressé, donc ils sont plus solides. Mais on ne connaît pas les limites du mauvais temps, quoi. Donc dire que les bateaux aujourd'hui résistent à 100%, c'est impossible de répondre. Donc c'est la part de risque. La part de risque, oui, c'est la mer. Il faut quand même se rendre compte que vous avez des cargos qui disparaissent. Oui, mais même de gros bateaux. La mer est, comment dirais-je, indescriptible, son horreur, quoi. Elle n'a pas de limite. Elle fait ce qu'elle veut, c'est la nature. Elle est naturelle. Ben, oui. Alors l'opération de sauvetage, est-ce qu'on peut dire que c'était vraiment une grande opération de sauvetage? Grande opération de sauvetage, puisque vous avez tous les hélicoptères de la base de Culleroy. Et les Britanniques, en termes de sauvetage maritime, sont beaucoup mieux armés que nous en France. La Royal Naval Life Institution, c'est une institution, alors qu'en France, en ce moment, la Société Nationale de Sauvetage en Mer fait en sorte de trouver de l'argent, quoi. Là-bas, c'est vraiment une institution, et ils ont été magnifiques. Donc par hélicoptère, essentiellement. Il y a hélicoptère, bateau de sauvetage. Moi, j'étais au Scilly, où il y a un bateau de sauvetage qui est resté plus de 24 heures en mer. Il y avait quelques bateaux accompagnateurs. C'est vraiment une nation maritime. Contrairement à nous, on est un peu un peuple de paysans, où c'est Éric Tabarly qui disait qu'on tourne, le dos à la mer, quoi. Ouais. Alors, il y a aussi la question de la météo, parce qu'après tout, chacun pourrait se dire, ne serait-ce qu'un peu naïvement, si on ne connaît pas la mer, le mauvais temps arrive, on fait demi-tour. Bon, alors, ce qui est important aussi, c'est la différence de situation, la taille des bateaux, l'expérience des navigateurs. On va écouter une archive sur, quand même, la question de la prévision météo. Elle est capitale, hein. Il s'agit d'un concurrent français, Yves Quentin, qui en parle. On l'écoute. Les prévisions météo nous indiquaient qu'il y avait une nouvelle dépression qui arrivait sur l'Irlande et on aurait certainement un coup de tabac 7, 8, 9 peut-être en arrivant sur l'Irlande. Ça s'était prévu depuis au moins le vendredi. À la suite de la première dépression qui était arrivée le jeudi et qui était un peu imprévue, les Anglais avaient dit pour le début de la semaine prochaine, il y en aura une autre sur l'Irlande. Donc on le savait. Alors la météo, on va pas dire que le temps est responsable, parce que le temps, c'est la nature, il fait ce qu'il veut aussi. Mais la prévision météo, ça c'est autre chose. Est-ce que les prévisionnistes météo portent une responsabilité dans Moi je dirais définitivement non. Il faut se rendre compte qu'aujourd'hui, on a énormément progressé en météo, et à l'époque, les concurrents du Fastnet avaient des informations météo par radio ou par VHF très, très imprécises, alors qu'aujourd'hui, sur chaque bateau, il y a un petit ordinateur et vous avez exactement la force de vent à tel endroit, à quelle heure le vent va tourner. Donc une situation comme en 79, elle est impossible à vivre aujourd'hui, quoi. Ça, on a fait d'énormes progrès puisque on a des prévisions météo à 8 jours, quoi. Presque à quelques heures près, on sait que le vent va tourner dans quelle direction, qui va forcer de temps de nœud, quoi. Et puis il y avait aussi la communication aussi. À l'époque, on communiquait que par VHF, donc ça a énormément compliqué le dispositif de secours, quoi. Aujourd'hui, on prendrait son portable, et puis on appellerait directement la station de sauvetage. Ça veut dire que si les prévisions météo avaient été performantes, comme elles le sont aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait quand on participe à une course comme ça? On a un avis de tempête, un grain très très fort. Qu'est-ce qu'on fait? On se détourne, on fait demi-tour, qu'est-ce qu'on fait? Alors, je vous pose des questions assez naïves parce que je n'y connais rien en voile. Même la très bonne question. Ça dépend, si vous êtes en Grande-Bretagne, on donne le départ. Oui. Et par qui veut. C'est-à-dire que le coup de canon est donné devant le Royal Yacht Squadron. Ouais. Si vous vous sentez assez fort pour partir, vous partez. Si vous dites on va attendre que le vent mollisse, vous attendez 24 heures. En France, on ne donne pas le départ. Puisque en France, s'il y a un accident, c'est le comité de course, disons le club qui organise l'organisateur ouais. qui est jugé responsable. Donc on recule le départ, comme ça s'est passé au Sable d'Olonne, ou comme ça s'est passé pour certaines courses, on recule le moment du départ. Oui, alors qu'en Grande-Bretagne, le départ est donné par qui veut. Oui, mais ça c'est pour des courses qui ne dépassent pas, je sais pas, 1000 km, mais quand vous avez un tour du monde... Pareil. C'est-à-dire, comment vous êtes détourné, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on fait? C'est-à-dire, je vous dis, donc on donne le départ, mais après, face au mauvais temps, il y a différentes attitudes. Ou vous faites le gros dos, vous réduisez la toile, éventuellement vous mettez un cap, ou bien en fonction... Ça dépend de chacun, quoi, vous voyez. Oui. Ça dépend de ses aptitudes, la résistance de l'équipage, des aptitudes du bateau à affronter le mauvais temps. Alors, très bien, on va aborder une autre question qui est importante et qui est évoquée dans le récit. D'ailleurs, c'est une question sensible, l'affaire sensible de cette histoire, c'est celle-là, je pense. L'attitude des équipages. Une phrase du rapport dit, mot pour mot, hein, « Il est évident que les équipages qui sont restés à bord et qui ont adopté une attitude agressive face aux éléments ont mieux supporté la tempête. » Alors, on va dire, oui, mais ça dépend aussi du bateau et de l'équipement. Hein. Là, on parle des équipages. Fallait-il, effectivement, dans ces cas-là, faut-il rester sur le bateau, le voilier, ou alors partir sur ce radeau de sauvetage? Parce que ça paraît absurde de se dire d'aller dans une embarcation qui est encore plus petite, donc elle est encore plus fragile. C'est absurde. En fait, il y a une règle. Enfin, il y a une règle. On dit toujours, il faut abandonner le bateau au dernier moment. Donc, rester sur le bateau le plus longtemps possible jusqu'à l'extrême limite. Mais là, ce qu'il faut aussi se rendre compte, il y avait un balai d'hélicoptères. Alors, quand vous en avez bavé, vous avez l'équipage a le mal de mer, parce qu'en général, c'est ça. L'équipage a le mer, tout le monde est trempé. Vous avez un petit peu d'eau dans le fond du bateau. Vous voyez un hélico qui passe au-dessus de vous. Qu'est-ce que vous faites? Enfin, qu'est-ce que vous faites? Vous avez envie, vous envoyez une fusée, on vient vous chercher, et puis le cauchemar est terminé. Quoi. Ouais. Donc, c'est un peu le tout dépend de la philosophie de chacun et de l'aptitude de chacun à résister au mauvais temps. C'est ça qui s'est passé, en fait. Parce que là sur l'équipage. Le Grimalkin. Voilà, ouais. Le Grimalkin, on est étonné quand même de cette décision d'aller. Ouais, mais je pense qu'ils étaient. Il y a peut-être de la panique aussi, c'est normal. Oui, pourtant, alors, en plus, pour l'équipe, il y a une petite histoire, une anecdote, c'est que le fils du propriétaire. Shannon, ouais. Il est journaliste de voile à Yachting World aujourd'hui, Mathieu Shannon. Enfin, d'accord. Voilà. Non, ça dépend de chacun, quoi. Ça dépend, vous avez des équipages qui résistent bien au mauvais temps, puis d'autres, vous avez, sur un équipage de 6, vous en aurez 5 malades, terrassés par le mal de mer, et une mal de mer, vous savez, des fois, vous avez envie de vous jeter à la mer ou d'appeler votre mère pour dire, on arrête tout, sauf que quand vous êtes en mer, vous pouvez pas dire, stop, j'arrête tout, et bien je sûr. Débarque, quoi. Voyez. Ça paraît étonnant de parler de mal de mer pour des marins, ah, oui, et pourtant... Mais... Alors, parce que c'est une course, vous avez, c'est vrai, vous avez des professionnels, des très grands marins, et vous avez aussi des amateurs. Dans cette course-là. Dans cette course-là, bah oui, dans des courses comme le Fastnet. C'est alors une sorte de Paris-Dakar de la voile, oui, quoi. Ça, sauf c'est, que dans le Paris-Dakar, oui, non, mais ça s'arrête là, la comparaison s'arrête là. Vous avez quand même beaucoup de ouais. professionnels. Oui, alors qu'à professionnels l'époque, il y avait beaucoup d'amateurs, et maintenant c'est moins vrai, puisque le RORC, qui organise le Fastnet, a imposé aux équipages un certain niveau, quoi. Alors, restez sur le bateau, quittez le navire. Ne jamais quitter le navire. Bah justement, oui, ou pas. On va écouter l'avis d'un grand skipper, Éric Loiseau, sur cette question-là. On a dit que certains bateaux étaient trop petits pour participer à une telle course. À mon avis, la taille des bateaux n'est pas le problème. Ce qui se passe, c'est qu'il y a des bateaux qui sont plus ou moins bien construits. Et de manière plus ou moins fragile. On peut avoir un petit bateau solide qui résistera dans du très très mauvais temps sans aucun problème. Par contre, un petit bateau, même un moyen bateau, mal construit ou construit de manière insuffisante, se cassera et pourra couler. Je ne parle pas évidemment de vous, Éric Loiseau, mais je me suis laissé dire et j'ai lu que ceux qui participaient à l'épreuve du Fastnet étaient en général des amateurs, éclairés peut-être, mais des amateurs. Oh, il y a toute une gamme de gens, à partir des professionnels qui naviguent 100% de leur temps, et puis des amateurs qui naviguent un mois dans l'année. C'est ça le problème. Que peut-on faire, à votre avis, c'est ma dernière question, pour éviter une telle hécatombe l'année prochaine? À mon avis, on ne peut pas limiter le nombre des concurrents. On ne peut pas interdire aux gens de courir. Moi, à mon avis, il faut plutôt essayer d'éclairer les gens sur ce qui peut se passer. Leur dire, voilà, vous pouvez très bien courir dans 2 ans le Fastnet, il pourrait y avoir la même tempête que la fois précédente. Donc, n'embarquez pas sur n'importe quoi. Autrement dit, les placer devant leurs responsabilités et bien leur souligner les risques. Absolument. Merci, Éric. Bon, de la part d'Éric Loiseau, c'était en fait une analyse en général. Ce qui s'est passé, pas seulement, faut-il rester ou pas sur le bateau. Qu'est-ce que vous pensez de ce qu'il vient de dire? Oui, c'est juste. Mais vous savez, c'est vraiment un problème d'équipage. Parce que vous avez, par exemple, un Italien, Alessandro Di Benedetto, il a fait le tour du monde par les trois caps sur un petit bateau de 6,50 m. Et il a cassé son mât, il a refait son mât en pleine mer. Donc c'est pas la taille du bateau qui non, compte. Non, c'est pas ouais. la taille du bateau. C'est la compétence du marin. Et aussi la fiabilité, l'architecture du bateau, comment il est construit, la résistance des voiles, la résistance du mât, quoi. Toute dernière question, il nous reste que 30 secondes. Ce drame du Fastnet, ça a été dans l'histoire de la voile moderne, de la compétition de la voile, c'était une rupture, une date importante. On en parle encore, c'est un souvenir fort. Un électrochoc, moi je dirais. Ouais. Mais c'est, enfin, Dieu merci, dans les annales de la course au large, c'est la seule course où on a dénombré autant de victimes, ouais. 15 victimes et autant de bateaux abandonnés, quoi. Bien, merci beaucoup Bernard Rubinstein. C'était un plaisir. C'est un plaisir de vous entendre. Vous êtes journaliste et passionné de voile, d'où votre discours agréable à entendre quand on est passionné. Oui, peut-être un peu psychorigine, voilà. Mais non, enfin mais bon. Mais bien sûr que non. Au revoir. Au revoir. C'était Affaires Sensibles, une émission en partenariat avec l'INA. Merci aux documentalistes de Radio France. Affaires Sensibles, une émission que vous pouvez réécouter, podcaster sur franceinter.fr.